Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'opération McGill français. Je suis actuellement sur l'avenue McGill face à l'entrée principale de l'Université McGill. Il y a quelques instants à peine, s'est produite une échauffourée assez grave sur l'avenue McGill face à l'entrée principale. Je viens de voir à quelques pas de moi des policiers arrêter deux manifestants et je pense qu'il y aura très bientôt d'autres arrestations. Le 28 mars 1969, entre 7 et 15 000 manifestants marchent dans les rues de Montréal en scandant des slogans comme « McGill français » ou « Le Québec aux Québécois ». Ces manifestants souhaitent que l'Université McGill se francise, qu'elle ouvre aussi ses portes aux étudiants francophones. Cette manifestation, qui va entraîner une quarantaine d'arrestations, s'inscrit dans un mouvement plus large, celui de l'éveil du Québec français, ce même mouvement qui va permettre, par exemple, la naissance du réseau des universités du Québec. Motocyclette, il y a des autopatrouilles et de ce côté-ci, c'est-à-dire du côté sud de la rue Sherbrooke sur l'avenue McGill, il y a un grand va-et-vient de policiers. Des manifestants ont saccagé des clôtures, ont lancé des bâtons tout à l'heure sur les cordons de police qui formaient barrière devant l'entrée principale de l'Université McGill. Pendant environ 15 ou 20 minutes, les policiers sont restés imperturbables devant la pluie des projectiles. Mais maintenant, les policiers viennent de réagir et on vient de dégager très brusquement, très rapidement, les devants de l'Université McGill. Le journaliste Paul Racine, le soir du 28 mars 1969, pour nous parler de cette manifestation du 28 mars 1969, plus largement de ce qu'on va appeler l'opération McGill français, j'accueille Jean-Philippe Warren, qui est professeur au département de sociologie et d'anthropologie de l'Université Concordia. Jean-Philippe Warren, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit un texte, Jean-Philippe Warren, dans lequel vous dites que cette opération McGill français, c'est une des pages les plus méconnues de l'histoire de la gauche nationaliste au Québec. Quelle importance ça a, cette page d'histoire des années 60, et pourquoi est-elle si méconnue? Elle n'a pas tellement d'importance pour ses suites, on le verra plus tard, mais elle a certainement d'importance pour son caractère très provocateur. On le sent dans les quelques extraits qu'on a entendus. Il y a une tension qui est palpable. Et donc, l'opération McGill français réussit à cristalliser un moment de la gauche nationaliste québécoise. La gauche nationaliste québécoise, qui est en plein essor, qui est en pleine effervescence à ce moment-là, depuis la Révolution tranquille, donc depuis déjà quelques années, on sent qu'il y a, du côté francophone, des revendications de plus en plus poussées, de plus en plus radicales, qui veulent vraiment faire en sorte que les choses bougent, que les choses changent au Québec dans toutes sortes de secteurs, autant le secteur professionnel, celui du travail, que le secteur de la famille. On le voit avec la chute des taux de natalité, l'augmentation des taux de divorce, et puis aussi dans le monde de l'éducation, où, depuis le rapport Parent, on veut que le Québec rattrape le reste de l'Amérique, mais aussi réforme de fond en comble les institutions qui sont celles de la province. Donc, c'est un cri du cœur, Québec français, mais le cri du cœur d'un Québec à la fois nationaliste, donc qui veut un Québec français, mais un Québec très engagé socialement, qui veut plus, qui veut un Québec français, mais plus équitable aussi. L'opération McGill français, c'est la plus grosse manifestation populaire de l'histoire du Québec depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a, vous l'avez rappelé, c'est des chiffres quand même assez impressionnants, là, de 7 à 15 000, on dit à peu près 10 000 pour faire la moyenne, personnes qui se rassemblent. Et s'ils se rassemblent devant l'Université McGill, c'est pas seulement parce que l'université est une université anglophone, c'est aussi parce que c'est une université qui paraît élitiste, colonialiste. Et on reproche à l'Université McGill son caractère trop riche, donc son caractère trop bourgeois d'un côté, son caractère trop conservateur, et puis aussi le fait que c'est une université qui est élitiste et qui s'adresse seulement à une portion de la population canadienne et puis encore moins la population francophone du Québec. Alors, ça symbolise tout ce qui va mal dans le Québec, tout ce qu'on veut changer dans le Québec. C'est cet affrontement au fond du... C'est le Québec d'avant la Révolution tranquille. C'est ça que montre McGill français. L'affrontement entre le Québec anglophone, on résume, mais le Québec anglophone riche qui prend les décisions, qui a le pouvoir économique entre les mains, et le Québec francophone ouvrier qui en arrache. C'est un petit peu ça. C'est ça que l'on voit. C'est ça que l'on perçoit. Et certains chiffres, d'ailleurs, donnent raison à ceux qui ont une vision aussi manichéenne de la place de McGill dans la société québécoise. Juste pour donner un seul exemple, au département d'études françaises de l'Université McGill, il y a seulement 3 professeurs canadiens-français sur 40 personnes qui forment le personnel. nationale. Donc, c'est vraiment très minoritaire, même dans un département comme le département d'études françaises. Ouais. On peut s'imaginer ce que c'est dans les autres départements. On dit que McGill, bien que situé au cœur de la métropole québécoise, n'a pas vraiment de racines dans la société québécoise et que cela doit changer. Bon, le point culminant, évidemment, de ce mouvement McGill français se produit le 28 mars 69 lors de cette fameuse manifestation, de cette grande marche organisée dans le centre-ville. Mais évidemment, l'organisation de tout ça commence bien avant. Parlez-nous un petit peu du contexte, justement, Jean-Philippe Warren, qui va conduire à l'opération McGill français. Comment on en arrive à cette marche du 28 mars 69? La première, le premier aspect qu'il faut souligner, c'est la montée en force d'une idéologie socialiste et nationaliste, portée notamment par les membres de la revue Parti pris, qui a été créée en 1963. De plus en plus de gens se situent dans l'univers de ce qu'on appelle la décolonisation, et les modèles pour eux, c'est désormais l'Algérie, c'est Cuba, c'est la lutte, par exemple, des Vietnamiens contre l'évasion militaire américaine. Donc, on est vraiment, se situe dans un horizon de revendication. Aux États-Unis, c'est le Civil Rights Movement et encore peut-être davantage les Black Panthers qui font figure de modèle, de voie à suivre. Et puis, ici, évidemment, il y a cette volonté qui se renforce de plus en plus de fédérer les forces de gauche pour réellement pouvoir amener la société québécoise à bouleverser ses structures sociales. Et puis, il y a aussi, évidemment, ce mouvement nationaliste avec la fondation du Parti québécois qui a été créée quelques mois auparavant, juste à l'automne 1968, qui lui aussi espère faire advenir une société qui non seulement serait socialiste, mais qui serait indépendante. C'est ce contexte-là, ce large contexte qui explique pourquoi l'opération McGill français a été un succès, du point de vue au moins de sa mobilisation. Oui. Et puis, il y a donc à ce contexte-là, occidental, ces mouvements de gauche un peu partout, cette décolonisation à laquelle on assiste, il y a ça comme toile de fond. Puis, il y a plus près du secteur de l'éducation et des études universitaires plus précisément, il y a une réelle problématique qui est à l'origine de McGill français, une inquiétude des étudiants francophones, parce qu'à ce moment-là, l'Université du Québec va être créée à peu près en même temps, là, mais on manque d'universités. On manque d'universités francophones. Ouais. C'est le baby-boom. Et le baby-boom, ça veut dire quoi? Ça veut dire des cohortes extrêmement larges d'étudiants qui ont réussi à intégrer les premiers cégeps qui ont ouvert en 1967 et qui se tournent maintenant, qui tournent le regard vers l'université. Et on leur a annoncé à l'automne 1968 qu'il n'y aurait pas de place pour eux. C'est une fraction très importante des étudiants qui veulent accéder aux études supérieures universitaires et qui ne pourront pas être reçus parce que l'Université de Montréal, qui est la seule université francophone de Montréal, ne pourra pas les accueillir faute de personnel et faute de place. Alors déjà, lors de la grève de 1968, les étudiants s'étaient mobilisés, donc il y avait un grand mouvement de grève, pour dire ça nous prend une autre université francophone à Montréal. Le gouvernement va adopter en 1968, donc à la fin de 1968, l'année 68 en décembre, va adopter une loi qui crée l'Université du Québec à Montréal, donc l'UQAM telle qu'on la connaît, mais elle n'existe pas encore. Et puis on se dit, oui, mais même si on crée cette université, à quoi va-t-elle ressembler? Ça va être quelques taudis qu'on va aménager dans l'ancien quartier latin pour accommoder les étudiants insatisfaits, mais ça ne sera pas une véritable université telle qu'on la souhaite. La seule solution, disent-ils, donc ça va être la mobilisation ou l'incitative derrière l'opération McGill français, la seule solution, c'est de franciser McGill. L'université McGill doit devenir une université francophone graduellement. Dès l'année 70, on souhaite qu'il y ait 50 % d'étudiants francophones à McGill, donc un saut gigantesque par rapport aux 3 % qui s'y inscrivent à ce moment-là. Et puis, dès 1972, on veut que l'université McGill soit totalement, entièrement française. Ouais, puis ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que l'une des voix les plus importantes de ce mouvement McGill français, c'est celle d'un anglophone. Moi et quelques centaines d'étudiants, nous sommes venus à ces réunions et nous avons demandé de discuter des questions importantes et pourtant au peuple québécois et aux étudiants du McGill, et puis nous avons fait des revendications. Et puis, les gens, les dirigeants du McGill ont refusé toutes nos revendications. Ils ont refusé de discuter les choses importantes et ils ont refusé de faire une politique à l'avantage du peuple québécois et aux étudiants. Et si ces assemblées, si ces institutions, si ces dirigeants ne veulent pas discuter, s'il ne veut pas faire une politique au service du public et au service des étudiants, nous ferons des actions comme ça. Stanley Gray, à l'émission Telle quelle, le 29 mars 1969, le lendemain donc de la manifestation McGill français. Stanley Gray, Jean-Philippe Warren, c'est vraiment un des leaders importants de ce mouvement McGill français. Parlez-nous un petit peu de lui, surtout de l'importance qu'il va avoir dans les mois. Peut-être qu'on peut même remonter à un an ou deux, mais comment ça va? L'importance qu'il aura dans ce que va devenir l'opération McGill français. De 1966 à peu près jusqu'à 1970, au moment des rafles de la police pour arrêter ceux qui sont soupçonnés de participer aux actions du FLQ, FLQ qu'on n'a pas encore mentionné, mais qui est sur la carte du Québec à ce moment-là et qui fait partie de l'équation. Donc, Stanley Gray est un type qui est assez exceptionnel, assez extraordinaire. Il a un grand charisme. Il est capable de s'adresser à des foules et d'être convaincant. Il a... Étudiant à McGill, mais plus tard, évidemment, au moment des événements d'opération McGill français, il est chargé de cours à McGill. Donc, il enseigne au département de sciences politiques. Et lui, il est convaincu que la seule façon d'établir une société socialiste, c'est de passer par la voie nationaliste, c'est-à-dire qu'il faut avoir une fusion entre les forces nationales et les forces de gauche, et c'est ainsi qu'on va réussir à révolutionner la société québécoise. Et sur la base donc de cette conviction, il va décider de convaincre non seulement des francophones, mais aussi des anglophones de McGill de se joindre à la cause commune, et puis il va donc être extrêmement important pour... que le journal de McGill, donc McGill, le journal des étudiants de l'Université McGill, se range du côté de l'opération McGill français, ce que le journal va faire en imprimant 100 000 exemplaires d'une édition spéciale intitulée « Bienvenue à McGill », une édition toute en français, qui va être distribuée à travers la province et qui va inviter donc les gens de partout à venir à l'opération McGill français pour manifester leur frustration. Ça, c'est incroyable. Et ça, c'est assez incroyable. Et puis, il va convaincre aussi l'association étudiante, ouais. L'association de financer à même les fonds des étudiants de l'Université McGill, de financer des activités de contestation de leur propre institution. Ouais. Et la logique, on y revient, on disait à ce qu'on disait au début de l'émission, mais la logique, c'est pour lui, c'est que plus de Français à McGill, c'est plus de justice sociale dans ce Québec-là. Ce qu'il dit, c'est assez étonnant pour nous contemporains, mais ce qu'il dit, c'est que le rôle que joue McGill dans la société québécoise est comparable au rôle des grandes corporations américaines dans les républiques de bananes d'Amérique du Sud. Hein. Il va vraiment aller jusque-là. Donc, McGill est un instrument de domination, d'exploitation et d'oppression, et il faut absolument faire en sorte qu'elle se remette en question. Et la seule façon de le faire, c'est d'accepter sa dissolution comme institution anglophone et de devenir une université francophone. Et il va, lui et d'autres, Stanley Gray, pendant des mois être, foutre le bordel, passez-moi l'expression, mais à l'intérieur même de la structure universitaire. Là, il assiste à des réunions du Conseil des gouverneurs. Ouais. Il y a un Sénat. Et bon, évidemment, les slogans fusent, hein, le Québec aux Québécois, etc., le Québec français. Et Stanley Gray a adopté une tactique qui était populaire aux États-Unis, qui s'appelle celle de l'escalade des lutins, pour révéler le visage sombre du pouvoir, eh bien, il faut le provoquer. Lorsqu'on le provoque, le pouvoir réagit par l'oppression, par d'autant plus de politiques disciplinaires. On voit donc qu'il est tyrannique. On s'oppose davantage à lui. Dans l'escalade des luttes, on finit par la révolution finale. Et Stanley Gray donc est convaincu que la seule façon de faire en sorte que les choses bougent au Québec, c'est de laisser ce qu'il appelle les minorités agissantes, hein, harcelées par une espèce de guérilla scolaire, ouais. Les institutions en place, et puis de tranquillement et peu à peu convaincre l'ensemble de la masse étudiante que leur cause est juste. Ouais. Alors, le point culminant, on s'en rapproche. Il y a cette accumulation, là, ce qu'on vient de décrire, ce qui va conduire à la marche du 28 mars 69. Mais avant d'aller dans les rues de Montréal au cours de cette marche, un petit mot, parce que ça aussi, ça vaut le détour, sur l'espèce de frénésie, de paranoïa qui va précéder l'événement comme tel, autant du côté des organisateurs que du côté de la direction de McGill, que du côté des médias. On a peur d'avoir peur. Là. C'est assez fabuleux ce qui se passe. Oui, mais il y a quelques signes précurseurs qui laissent présager le pire. Il y a eu, bien entendu, l'occupation de l'École des beaux-arts en automne 1968, où il y a eu des actes de vandalisme. Il y a eu l'opération de Murhill déjà en octobre 1968, où on a brûlé des voitures, où on a confronté la police à l'aéroport de Dorval, aujourd'hui devenu l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Et puis, il y a eu aussi, évidemment, ces déclarations incendiaires qui ont précédé la marche pour McGill français et puis qui laissent annoncer que la confrontation va être violente. Ça va être d'ailleurs une des grandes surprises de réaliser qu'après s'être rassemblé devant les fameuses Rodic Gates, là, le fameux portail de l'Université McGill, la foule se disperse relativement calmement. On brise quelques vitres, on fracasse quelques magasins, on tire des bâtons sur la police, mais je veux dire, la foule se disperse relativement calmement après simplement une heure ou deux heures de protestation. Alors qu'on s'attendait au pire. Parlons du fond. On l'a évoqué un peu, mais de ce que revendiquent les organisateurs de McGill français. On écoute Raymond Lemieux, qui est président du MIS, le Mouvement pour l'intégration scolaire, l'un des groupes les plus engagés dans le mouvement McGill français, extrait de l'émission telle quelle du 29 mars 1969. McGill reçoit de l'âge de subvention de l'État et n'est pas au service du Québec, de la population du Québec. Je peux vous donner une foule d'exemples de ça. On sait, par exemple, que près de 60 % des finissants de McGill à l'heure actuelle demeurent à l'extérieur du Québec. Alors ça, c'est des millions de dollars qui viennent des contribuables du Québec pour financer une éducation qui ne sert pas au Québec en retour. On sait que le budget de recherche à McGill est deux fois plus considérable que celui de Montréal et de Laval combinés. Et que sur tous les projets de recherche qui se font à McGill, ce sont des projets de recherche qui sont commandés particulièrement par certaines compagnies pour, être au service de la haute finance au Québec et non pas être au service de la population ni du gouvernement. On fait des recherches pour le Pentagone, pour le gouvernement fédéral et le gouvernement américain et pour des entreprises anglo-américaines privées. Mais une université, c'est une foule de choses et de plus en plus dans le monde moderne. Et tout ça devrait être au service de la population. On sait que le gouvernement du Québec a fourni, il y a quelques années, au-delà de 3 millions pour construire, par exemple, la bibliothèque McLennan à McGill. Or, cette bibliothèque-là possède une collection de livres en littérature française qui dépasse celle de l'Université de Montréal. C'est absurde, mais c'est comme ça, et personne n'a accès à cette bibliothèque-là, sauf celui qui est strictement étudiant de McGill. Alors, on a une très bonne idée, en écoutant Raymond Lemieux, de ce que les leaders du mouvement McGill français reprochent à l'Université McGill, Jean-Philippe Warren. Qu'est-ce qu'ils demandent en retour? Quelles sont les revendications? Bien, juste pour mettre cette déclaration en contexte qu'on vient d'entendre, les universités au Québec sont des universités privées. Hein. C'est une université privée, l'Université Montréal est une université privée, l'Université McGill est une université privée. Et tant ou si longtemps, ces universités privées fonctionnaient par elles-mêmes, en parfaite autonomie, on n'avait pas vraiment l'occasion de leur reprocher d'être déconnectés du reste de la société. Mais avec l'investissement public qui commence à devenir de plus en plus considérable au fur et à mesure qu'on avance dans les années 60, investissement du côté fédéral, mais de plus en plus aussi du côté provincial, ouais. Eh bien là, on commence à demander des comptes des universités. On leur dit, bien écoutez, si jamais on vous subventionne à coût de millions de dollars, il faudrait peut-être que vous écoutiez ce que la population a à dire sur vos politiques, puisque c'est elle qui constitue ou qui subventionne une large partie de votre budget total. Donc, ce qu'on veut, c'est que l'université Québec, comme McGill, soit attentive aux besoins de la société québécoise. On veut qu'elle embauche des professeurs du Québec qui soient francophones. On veut qu'elle soit ancrée dans les problèmes et les défis qui se présentent à la population d'ici. Et puis qu'elle joue un rôle dans la recherche qui ait quelques pertinences pour les besoins de la population. Ce que c'est ce qu'on lui reproche, en tout cas. Ouais. Ce qu'elle ne fait pas assez jusque-là. Alors arrive finalement cette manifestation du 28 mars 1969. On écoute à nouveau Raymond Lemieux. On a touché l'opinion publique et je suis convaincu qu'on a ébranlé les autorités. Mais votre action ne s'arrête pas là parce que quand même, McGill n'est pas encore francisé. Alors, si on peut parler de victoire dans ce sens-là, c'est une victoire, mais c'est une étape. C'est une étape dans une escalade générale. Il est évident que nous attendons, ou enfin nous demandons une réponse concrète du gouvernement, de M. Bertrand, de M. Cardinal, pour savoir ce qu'ils entendent faire de ce problème de McGill. Mais nous n'attendrons pas indéfiniment et nous mettons sur pied d'autres moyens de pression qui ne seront peut-être pas exactement les mêmes pour faire réaliser aux autorités que la population s'attend à ce que les autorités agissent. Donc, on reviendra dans un instant, Jean-Philippe Warren, sur les suites qu'aura ou que n'aura pas cette marche de McGill français. Un petit mot quand même sur la marche comme telle. Vous l'avez un peu évoqué, mais finalement, il se promène dans les rues de Montréal, il se ramasse devant l'Université McGill, mais bon, une quarantaine d'arrestations. Quarantaine d'arrestations, exactement. Quelques discours qui sont prononcés à ce moment-là, discours relativement bref. Beaucoup de slogans qui sont chantés de la part des participants. Plusieurs personnes qui sont à l'intérieur du campus de l'Université McGill, donc qui regardent la foule à travers les grilles et puis qui répondent par des discours haineux. Certains se mettent à entonner « God save the Queen » en réponse aux manifestants. Et puis après cette espèce de confrontation en chaîne faïence, la foule, comme je l'ai dit, se disperse tranquillement à travers les rues de Montréal. Ouais. Donc c'est plus au fond le contexte, ce qui va conduire la symbolique qui est très très forte, qui va marquer les esprits. C'est pour ça que ça reste un événement important, parce que ça incarne, pas tant que pour la marche comme telle, ni non plus que pour les suites que ça va avoir. Ça a cette conséquence que le pouvoir a eu très peur. Hein. Les élites en place sont vraiment convaincus qu'il y a quelque chose qui a été évité de justesse et qu'il pourrait y avoir une deuxième opération française qui soit réorganisée dans les années qui suivent. Ce que souhaitent les organisateurs, et puis qui pourrait à ce moment-là tourner beaucoup plus mal avec une confrontation davantage violente. Donc, on se presse quand même d'effectuer certaines réformes. L'Université McGill, la première, elle annonce qu'elle va permettre aux étudiants, par exemple, de pouvoir remettre leurs travaux en français, ce qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant. Elle promet d'embaucher davantage de professeurs canadiens et français. Elle promet d'ouvrir ses portes aux francophones. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la proportion d'étudiants francophones qui étudient à McGill est sans commune mesure avec ce que c'était il y a 50 ans. Donc, on voit que l'Université McGill ne reste pas passive par rapport aux événements, et le gouvernement non plus. Évidemment, on avait déjà prévu l'ouverture de l'Université du Québec à Montréal en septembre 1969, mais là, plus que jamais, on s'active à faire en sorte que non seulement l'Université ouvre, mais que les conditions soient les meilleures possibles pour que les étudiants ne soient pas frustrés de ce qu'on leur offre en remplacement de leur rêve de faire de McGill l'université francophone. Mais la grande révolution à laquelle rêvait Stanley Gray en disant on va y aller par étapes, puis il y aura une accumulation qui va conduire au grand jour, ça, évidemment, ça ne se produira jamais. Ça ne se produira jamais. C'est le désaveu d'à peu près tout le monde de l'opération McGill français. Le Parti québécois se dissocie de la marche. Les journaux nationalistes de masse, là, comme Le Devoir, par exemple, se dissocient eux aussi de la marche. Et puis, on leur répond à ces gens-là, écoutez, nous, on ne veut pas encourager des actions violentes, mais on vous offre autre chose, un autre véhicule, c'est le Parti québécois. Et si jamais vous voulez de vrais changements, bien ça, c'est une façon pacifique et parlementaire d'arriver au même résultat, mais de manière beaucoup plus douce. Au lieu de ces regroupements qui sont souvent des groupuscules qui font des actions d'éclat mais qui ne mettent nulle part, pourquoi vous embarquez pas dans le projet du Parti québécois? Jean-Philippe Warren, professeur au département de sociologie et d'anthropologie de l'Université Concordia, merci infiniment de votre passage à l'émission. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.